La nuit, il passait, rouge ainsi qu'un météore. Sa voilure, où l'oreille entendait le débat des souffles, subissant ce gréement comme un bât, ses hunes, ses grelins, ses palans, ses amures, étaient une prison de vents et de murmures. Son ancre avait le poids d'une tour. Ses parois voulaient les flots, trouvant tous les ports trop étroits. Son ombre humiliait au loin toutes les proues. Un télégraphe était son porte-voix. Ses roues forgeaient la sombre mer comme de grands marteaux. Les flots se le passaient comme des piédestaux où, calme, ondulerait un triomphal colosse. L'abîme s'abrégeait sous sa lourdeur féloce. Pas de lointain pays qui pour lui ne fût prêt. Madère apercevait ses mâts. 3 jours après, l'éclat l'entrevoyait dans la lueur polaire.